whiskey, I need no champagne. And now for Maritini, but like a much of it, but you see. And now for Panta, if I live on a palette, so Nina Cona Sevala, but like a palette down ce soir. Attends demain, j'ai un rendez-vous ce soir à l'hôtel indépendant avec le blanc. De la gare, c'est 10 000 par an. À l'hôtel du marché, c'est 2 000 par an. Ça va aller, I'm not telling anybody.